de l'émission Autour de vous avec Laura sur Radio Guémozo. Bonjour tout le monde, c'est Laura, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous. Soyez les bienvenus pour une nouvelle émission d'Autour de vous. Aujourd'hui, je suis avec Sandra. Bonjour, comment ça va ? Bonjour, ça va bien et vous ? Ça va très bien, merci. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots à nos auditeurs ? Eh bien, je m'appelle Sandra, je vais avoir 50 ans, je suis maman de 5 enfants et puis je travaille en tant que prothésiste ongulaire à domicile en auto-entreprise. Alors justement, depuis quand elle existe, votre entreprise ? Alors ça va faire un an, ça aura fait un an le 3 janvier que je me suis lancée dans l'aventure. Comment est-ce qu'on lance une entreprise ? Donc déjà, il faut passer par la chambre des métiers. On se renseigne sur tout ce qu'il y a, les démarches qu'il y a à faire, les diplômes qu'on doit avoir obligatoirement pour ouvrir une auto-entreprise. Avec le métier de prothésiste ongulaire, la chose qui est bizarre par rapport à d'autres entreprises, c'est qu'on n'a pas besoin de diplôme en soi pour ouvrir en auto-entreprise. Une simple formation est demandée et encore, elle n'est pas obligatoire. Donc, du coup, on se retrouve des fois avec des jeunes filles qui n'ont même pas assez de formation à pouvoir ouvrir. C'est vraiment... en tant que prothésiste, on va dire, on a des choses qu'on peut apprendre sur le tas, mais vaut mieux avoir une formation. L'idéal, c'est d'avoir une formation soit en présentiel ou à distance, il faut quand même avoir un minimum pour retirer le plein attitude de ce qu'on peut faire. Donc selon vous, le mieux, ça serait un peu l'alternance, parce qu'on apprend les cours et en même temps on pratique. Oui, voilà. Moi, personnellement, j'ai pris des modèles tout en apprenant. J'ai pris des modèles. Bon, ça ne fait pas qu'un an que je pratique. J'ai beaucoup fait de pauses sur moi, sur des amis avant. C'est vrai que pendant ma formation, en gros, je suivais les cours, j'appliquais les cours sur des modèles qui acceptaient que je puisse faire des erreurs au début. On commence toujours depuis le bas pour monter vers le haut, quoi. Mais c'est dans l'idéal aussi le présentiel est pas mal parce que vous avez un formateur derrière qui peut vous dire non, prends ton pinceau de telle manière, t'auras moins de difficultés. Il y a des petites astuces qui font que des fois d'avoir quelqu'un derrière soi, ça nous encourage à aller de l'avant, quoi. Après, le problème, c'est que si vous n'avez que de la théorie, une fois que vous vous retrouvez dans la pratique, ça peut être différent, plus compliqué. Voilà, c'est ça. C'est pour ça qu'il faut, vraiment, vraiment avoir des modèles avant, bien expliquer aux personnes que vous prenez pour modèle que les premières fois ne seront pas les premières fois d'un salon, les premières fois d'une professionnelle. Il faut vraiment être honnête avec la personne que vous allez prendre, à qui vous allez faire les ongles pour la première fois, mais rien n'est, il n'y a rien d'impossible, quoi. Voilà, il faut vraiment être passionné par ce métier, parce que si c'est quelque chose, où on pense avoir de l'argent facile, c'est pas possible, quoi. C'est vraiment pas du tout dans cet objectif-là, il faut vraiment être passionné par ce métier, quoi. De la passion et de la persévérance aussi. Voilà, c'est ça. Et puis comme quoi, à 50 ans, on peut y arriver aussi, il n'y a pas de problème, parce que c'est vrai des fois que l'âge, sur certaines personnes pensent que l'âge est une barrière, et non, la preuve est, je l'ai ouvert il y a un an et j'y vais avoir 50 ans, donc il n'y a aucune barrière dans aucun métier, je pense, il suffit de vouloir et on y arrive. Alors qu'est-ce qui vous a donné envie de créer votre entreprise, parce que ça ne doit pas être facile de se lancer comme ça ? Alors, c'est ma fille, parce que ma fille a son compte aussi, et puis j'ai donné la passion à ma fille, puisqu'elle m'a toujours vu me faire mes ongles ou lui faire à elle, etc. Et puis elle a ouvert son entreprise en Alsace et du coup elle me dit je te vois pas aller retravailler en usine, elle me dit essaye, et c'est vrai que j'avais pas forcément la confiance en moi en me disant à 50 ans tu vas repartir dans une nouvelle aventure, etc. Et puis le soutien de ma famille, le soutien de mes enfants, le soutien de mes amis, parce que c'est beaucoup mes amis autour de moi aussi qui me disaient, mais on veut pas aller ailleurs, on veut que tu continues, et puis pourquoi pas. Et voilà, donc c'est grâce à tout ce petit monde-là qui a fait que je me suis lancée dans l'aventure, quoi. Il y a un dicton qui dit « à cœur vaillant, rien d'impossible », je crois. Oui, voilà, c'est ça. Alors, c'est quoi Samba Nails ? Je prononce bien ? Oui, c'est parfait. Eh bien, en fait, Samba Nails, le nom de la société, c'est parti sur une boutade. Parce que avec mes enfants, je leur dis toujours, le jour que je vais partir, je ne veux pas que vous mettiez une musique criarde et que vous alliez pleurer sans arrêt. Je dis, vous mettez une samba, vous faites les foufous, vous mettez les vidéos un peu fofolles que je vous envoie. Je dis, je veux vraiment pas que, voilà, que ça soit ça. Et puis, on cherchait des noms. Et puis, on est parti sur des plaisanteries. Et puis, ma fille me dit, mais maman, elle me dit, tu nous en kikine toujours avec ta samba, elle me dit pourquoi tu partirais pas sur ça. Bon bah je dis écoute oui t'as raison, et puis on est parti sur Samba Nails, le Nails pour le nail art et puis la samba bah parce que voilà c'est mon côté un peu fofolle. Il me semble que nail ça veut dire ongle en anglais si je dis pas de bêtises. Oui. Alors quelle qualité faudra avoir selon vous pour exercer cette profession? Il n'y a pas forcément de qualité, juste on va dire avoir l'envie déjà du métier, surtout aussi la convivialité, on va dire la patience, parce que on a pas forcément tout le temps des clientes qui sont, je ne dis pas désagréables, hein, loin de là, il n'y a pas du tout ça, mais on a des clientes qui vont être plus exigeantes que d'autres, des clientes voilà, qui ne vont pas forcément écouter à chaque fois qu'on leur dit mettez correctement la main sous la lampe, il va falloir répéter certaines choses, et du coup il faut avoir de la patience, il faut avoir de l'empathie vis-à-vis des gens, et puis comme diraient mes clientes, quand elles viennent à l'institut, c'est un peu leur séance de psy à elles, leur moment de détente, donc il faut avoir une oreille attentive sans avoir la bouche bien parlante. Voilà, donc c'est ce que je leur dis toujours quand elles viennent dans les lieux, ce qui est dit dans la pièce, il n'y a que les murs qui savent ce qui est dit, le restant, il n'y a personne qui est au courant de rien. Et c'est surtout ça, enfin voilà, une bonne empathie vis-à-vis de tout le monde et ça roule tout seul, quoi. Finalement, aller chez vous, c'est un peu comme chez le coiffeur, on discute. Voilà, c'est ça. Et pour votre métier, il faut aussi de la dextérité et de la rigueur aussi, du coup. Oui, voilà. Il ne faut pas rester sur ses acquis. C'est déjà c'est un point essentiel. Si vous restez sur ce que vous avez appris, vous n'essayez pas d'aller voir un petit peu tous les soirs ce qui se fait de nouveau ou les nouvelles techniques ou les choses comme ça, ça n'évolue pas beaucoup. Il faut vraiment avoir l'envie d'aller chercher autre chose, d'aller voir d'autres techniques et ne pas avoir peur non plus de les mettre en pâte. Quelle est la période de l'année où vous avez le plus de clients ou de clientes ? Alors, Noël. C'est le festival des petits gnomes, des petites boules de Noël, des guirlandes. C'est là où, on fait le plus de clientèle. Après, il y a aussi la période de la Saint-Valentin, où c'est que ces demoiselles veulent, ou ces dames veulent toujours être belles pour leur mari, les petits rendez-vous. Voilà, c'est des périodes où on travaille beaucoup. Au-delà de ce qu'on peut penser, en été, ça peut être un peu calme. Mais on a souvent un rush, on va dire, au début juillet pour se dire, on y va et on a les ongles de pied, les ongles de main qui sont faites avant de partir en vacances. Est-ce que vous recevez des hommes ? Alors oui. Au-delà de certaines autres prothésistes, moi, je reçois des hommes. Je reçois n'importe qui veut venir, peu importe, les religions, leur attirance sexuelle ou quoi que ce soit. Je reçois vraiment tout le monde. À la maison, on peut même venir en pyjama. Voilà, je le dis haut et fort. Et les hommes ont droit, autant que les femmes, d'avoir de belles mains. Et j'ai même des messieurs qui sont venus pour des extensions d'ongles avec déco. J'ai un monsieur qui était venu, il était tatoueur et il aimait bien que je lui fasse des Burberry sur les ongles ou des French. Et bien, j'ai fait des Burberry, j'ai fait des French. Il n'y a rien d'interdit. Vous ouvrez le champ des possibles. Ah oui, mais dans la vie, rien n'est impossible, je dirais. Hein. C'est vrai. Alors, nous allons faire une première pause musicale avant de parler de votre métier de prothésiste ongulaire. Et j'ai trouvé plein de questions, ça va être sympa. Donc, à tout de suite sur Radio Gamozo. Tu sais, tout le monde autour pourrait me quitter. Tant que t'es là, je suis bien, mon amour. Ouais, faut pas l'oublier. Et même si dans ton monde tout est sourd, laisse-moi le changer. Mais quand je t'aime, tu doutes, mon amour. Moi, je peux pas t'oublier. Ça crie, ça casse tout dans la maison. Pourtant, on a compté les saisons. Tu vas pas partir sans raison, non. De quoi tu me parles? Dans ma tête, y'a toi et moi. La recette, c'est toi et moi. On sait déjà. Pourquoi tu pars à la fête? Je ne pense qu'à toi. La recette, c'est toi et moi. Ne me quitte pas. Ne me quitte pas, je te dans la tête. Ne me quitte pas, tu sais, dans ma tête, c'est toi et moi. Juste toi et moi. Et maintenant, posons les cartes sur la table. Donne-moi des raisons valables, je comprendrai. Et maintenant, dis-moi pourquoi toutes ces peurs. Mais s'il te plaît, tout en douceur, car je comprendrai. Ça crie, ça casse tout dans la maison. Pourtant, on a compté les saisons. Tu vas pas partir sans raison, non. De quoi tu me parles? Dans ma tête, y'a toi et moi. La recette, c'est toi et moi. On sait déjà. Pourquoi tu pars à la fête? Je ne pense qu'à toi. La recette, c'est toi et moi. Ne me quitte pas. Ne me quitte pas, je te dans la tête. Ne me quitte pas, tu sais, dans ma tête, c'est toi et moi. Tout le monde autour pourrait me quitter. Tant que t'es là, je suis bien, mon amour. Faut pas l'oublier. De quoi tu me parles? Dans ma tête, y'a que toi et moi. La recette, c'est toi et nous. On sait déjà. Pourquoi tu pars à la fête? Je ne pense qu'à toi. La recette, c'est toi et nous. Ne me quitte pas. De quoi tu me parles? Dans ma tête, y'a toi et moi. La recette, c'est toi et moi. On sait déjà. Pourquoi tu pars à la fête? Je ne pense qu'à toi. La recette, c'est toi et moi. Ne me quitte pas. Ne me quitte pas, je te dans la tête. Ne me quitte pas, tu sais, dans ma tête, c'est toi. Nous sommes de retour sur les ondes de RGM avec Sandra. Alors, c'est quoi une prothésiste ongulaire? Alors, c'est quelqu'un qui va vous faire des rallongements au niveau de vos ongles ou non. Parce qu'on travaille aussi sur les ongles naturels. Ça peut être aussi des réparations d'ongles. En gros, vous venez avec un ongle qui a cassé. On peut faire en sorte que vous ayez les mêmes ongles de la même dimension de niveau stade en reconstruisant un ongle. Alors, il y a différentes techniques. Il y a des techniques qui se font avec simplement du gel et au chablon, avec un chablon. Donc, c'est comme un petit papier autocollant qu'on va venir glisser sur votre doigt et on va faire une extension d'ongle avec du gel, pour que vos ongles soient à la même longueur. Ou il y a des poses capsules, donc on vient coller sur le bout de votre ongle une capsule et on refait une construction au niveau du gel par-dessus. Donc vous pouvez avoir une certaine longueur aussi avec ces ongles. Ou tout simplement, on fait un gainage ou on fait une pose de semi-permanence sur un ongle naturel. Est-ce qu'une personne qui ronge ses ongles, elle peut avoir des prothèses ou pas? Oui. On va commencer une personne. Il faut se dire aussi qu'une personne qui a les ongles qui sont rongés, on va pas travailler de la même manière qu'avec une personne qui a des ongles normales. En gros, enfin, si on peut dire normal. Une personne qui a les ongles rongés, déjà, elle va devoir venir plus souvent qu'une personne qui ne ronge pas ses ongles, parce que le maintien n'est pas la même. On est obligé de travailler sur une toute petite surface d'ongles. Donc du coup, on commence commence par des tout petits rallongements pour que déjà, de un, ça tienne. Et puis, au fil du temps, hein, on travaille sur la longueur de l'ongle qu'on n'a plus récupéré. Et à ce moment-là, on peut utiliser d'autres techniques. Mais oui, parfaitement, on peut travailler sur quelqu'un qui a les ongles rongés avec certaines consignes, ben, de ne plus mettre les doigts à la bouche. Sinon, le travail qu'on aura fait, ben, en gros, on ne servira à rien, quoi. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup de clientes avec les ongles rongés qui viennent et elles me disent « Jamais de la vie, j'aurais pensé à l'heure actuelle avoir des ongles à moi ». Mais je sais qu'il existe des vernis pour éviter de se ronger les ongles, mais ce qui paraît, ça ne fonctionne pas du tout. Alors, pas du tout. En fait, c'est un placebo. Hein. C'est histoire de vous dire, tu vas avoir un petit goût amer dans la bouche ou des petites choses comme ça. Mais c'est quelqu'un qui ronge ses ongles depuis des années continuera forcément à ronger les ongles. Déjà, c'est un travail sur soi-même à faire, à se dire, bon, quand on passe le seuil de la prothésiste ongulaire, on se dit, bon, c'est pour en arriver à ne plus le faire. Je sais qu'il existe des bagues anti-stress, parce que bien souvent, on ronge ses ongles par stress. Et les bagues anti-stress fonctionnent bien. J'ai 2-3 clientes qui en ont acheté. Mais c'est vrai que ben, quand elles viennent, qu'elles rongent les ongles, qu'elles m'ont cassé un ongle que j'ai réparé, ben, je tire les oreilles comme la maîtresse qui n'est pas contente. Et voilà, donc du coup, on y arrive. Avec le temps, la patience. Il faut bien que la cliente aussi se dise hein, qu'elle ne va pas avoir des ongles de 3 cm la première séance. C'est vraiment, on y va petit à petit. Il faut déjà voir aussi comment l'ongle en dessous réagit hein, parce qu'un ongle rongé n'est pas un ongle sain. Donc, on peut rencontrer n'importe quel problème à ce niveau-là. Mais s'il y a la confiance de la prothésiste, la confiance de la cliente, on arrive à des résultats sublimes. Moi, j'ai des clientes, maintenant, elles ont leurs ongles et jamais plus elles ont mis un doigt dans la bouche, quoi. Donc, voilà. C'est un peu comme une thérapie, finalement. Voilà, c'est ça. Comment est-ce que vous personnalisez les prothèses ongulaires ? Alors, on fait ça avec tout ce qui est... on peut faire au vernis semi-permanent. Hein, on peut prendre avec le semi-permanent. Il peut avoir des stickers qu'on colle sur les ongles. La majorité de mes personnalisations sont faites à la main. Donc, je travaille avec du gel pen et vous dessinez. Hein, donc, il faut quand même avoir un minimum de savoir-faire. Mais après, maintenant, il faut être honnête. Hein, quand vous allez sur Internet, vous avez des tutos qui sont excellents. Ils vous apprennent de A à Z pour regarder les techniques que vous pouvez avoir. Il y a des formations nail art qui se font aussi, hein, qui sont superbes à ce niveau-là. Mais voilà. Et puis, bien souvent, les clientes viennent. Elles ont été cherchées sur Internet. Et puis, elles vous disent « J'aimerais bien ce modèle-là. Est-ce que c'est faisable ? Est-ce que c'est de me faire ceci, de me faire cela ?» Donc, moi, en fonction de si j'ai déjà fait, ben, je vais dire oui. Si je n'ai pas fait, je leur demande un petit délai d'une semaine pour pouvoir essayer de chercher, de m'entraîner. J'envoie systématiquement les modèles. Et puis, à ce moment-là, elles me disent oui ou non, quoi, si ça leur convient. On arrive toujours à trouver une solution. Il y a les plaques de stamping aussi. Qui sont faisables. Donc, c'est une plaque où c'est qu'il y a déjà le dessin qui est gravé. Mmh. Et puis, vous allez mettre une couche d'un vernis spécial. Et on prend comme une petite éponge et on va venir prendre le dessin et on vient vous le remettre sur l'ongle. Il y a différentes techniques pour pouvoir embellir, on va dire, vos ongles. Est-ce qu'une cliente peut choisir la longueur de ses faux ongles ou pas ? Ah oui, tout à fait. On a des... Alors moi, j'appelle ça la taille butoir. On va dire parce que j'ai des clientes qui veulent que je ne retaille pas dans la capsule, admettons, parce que c'est des capsules qui ont une certaine longueur. Et puis, elles viennent me revoir en catastrophe parce qu'elles se sont fait mal. Alors, je leur ai donné l'autorisation de penser à moi très fort quand elles se font mal, de me donner les petits noms d'oiseaux qu'elles ont envie parce que ça fait extrêmement mal quand on se retourne à un ongle. Mais c'est en fonction de la cliente, comment elle se sent, si elle se sent bien avec un ongle long, avec un ongle moins long. C'est vraiment en fonction de la cliente, son ressenti à elle. Et puis, on va dire jusqu'à où l'ongle ne casse pas. Parce que bien souvent, l'ongle va casser s'il n'a pas une longueur adéquate à votre métier ou à ce que vous faites au quotidien. Une personne qui va être être dans un bureau, ben, va pas forcément avoir des ongles longs, parce que le fait de pianoter sur l'ordinateur va les déranger. J'ai des dames qui travaillent en usine, elles peuvent pas se permettre non plus d'avoir des ongles d'une certaine longueur. Et il faut vraiment que ça soit adapté à chaque métier, à chaque personne, voilà. Quel genre d'activité faut éviter de faire pour pas casser les prothèses ? Alors, il n'y a pas d'activité type. Ce qui fait qu'un ongle va casser, pour la plupart du temps, c'est le fait de le mettre dans la bouche régulièrement, parce que on a un instinct, hein, enfin, qui fait qu'on met souvent nos doigts dans la bouche. Donc, c'est ça qui va faire que l'ongle va plus ou moins avoir des décollements et qui va casser. Après, ça peut être une longueur qui n'est pas adéquate. Hein, voilà, vous allez casser vos ongles. Ça peut être un choc. Hein, vous pouvez très bien, vous sortez de la douche, vous vous ressuyez, vous vous cognez dans un meuble. Voilà, l'ongle va casser. Voilà, il y a différentes choses, mais on peut pas dire qu'il y a des interdictions spécial pour que l'ongle ne casse pas. Nous, on donne... faut pas ouvrir une canette de coca avec l'ongle, voilà. il faut pas pianoter sur la table sans arrêt pour faire du bruit avec les ongles. Voilà, c'est... Ou utiliser, on va dire, des produits qui vont style acétone ou aspirite avec les mains qui ne sont pas protégées. Voilà, c'est des petites choses... qu'on recommande quand vous venez, hein, on vous explique les choses à ne pas faire pour garder la vie de votre ongle plus long. Après, ça peut être une erreur aussi de la prothésiste, hein, on n'est pas non plus infaillible, hein, on peut avoir à un moment ou à un autre mal posé le gel ou trop près des cuticules qui fait qu'on va se retrouver avec un décollement et l'ongle va casser, quoi. D'où le fait des garanties, des fois, qu'on fait, nous, en institut. Du coup, ça tient combien de temps, une prothèse angulaire ? Alors, une prothèse angulaire va tenir, on va dire, de 15 jours à un mois. Au-delà des 4 semaines, moi, je ne conseille pas, parce qu'on va avoir une trop grosse avancée au niveau de l'ongle, et puis ça va faire un poids sur le devant de l'ongle, et là, on risque d'avoir de plus en plus de décollements et de problèmes à ce niveau-là. Dans la moyenne, mes clientes reviennent faire leurs ongles toutes les 3 semaines, ou tous les mois, sauf si les personnes qui ont les ongles rongés qui vont devoir revenir dans un premier temps tous les 15 jours. Est-ce qu'on peut changer de vernis souvent ou est-ce que ça peut abîmer les prothèses après ? Alors, le vernis, vous le gardez avec votre déco. Hein, on les garde le temps de venir refaire le remplissage. C'est, que ce soit le vernis semi-permanent, il ne bougera pas. Hein, vous mettez le vernis, une fois qu'il est sec, qu'il a été catalysé sous la lampe, il ne bouge pas pendant 3 semaines. C'est juste votre ongle naturel en dessous qui a avancé. Et voilà, vous allez avoir une démarcation par rapport à l'avancée de votre ongle naturel, mais le semi-permanent ne bougera pas. Est-ce qu'il y a des précautions à prendre avant de se faire poser des prothèses ou pas ? Alors, des précautions, oui et non. On va dire, vous pouvez venir, c'est nous qui allons faire le diagnostic en arrivant à l'institut. Mm-hmm. En fonction des pathologies, des personnes qui prennent un traitement, des personnes qui ne prennent pas de traitement, on a différents produits qu'on peut mettre sur l'ongle ou ne pas mettre sur l'ongle. Il y a des personnes qui ne pourront pas mettre de vernis ou de gel sur leur ongle parce qu'elles ont une pathologie plus compliquée. Au niveau médical ou qui font des allergies aux produits. Mais en soi, il n'y a pas vraiment d'interdiction. C'est juste des produits, on va dire, que nous, on va devoir adapter en fonction de la cliente qui va venir à l'institut. Vous parliez de pathologie et de lourds traitements. Et du coup, est-ce qu'une femme enceinte ou une personne diabétique, elle peut porter des prothèses ou pas ? Alors... je ne conseille pas sur les personnes qui sont diabétiques le port de prothèses angulaires. On va pouvoir mettre un semi-permanent. Mais voir, il va falloir regarder régulièrement l'évolution de l'ongle, voir si cette personne ne va pas se retrouver avec une infiltration ou l'ongle qui va réagir avec une mycose. La femme enceinte, on va pouvoir mettre des prothèses, sauf que on ne va pas utiliser les mêmes produits que lorsque la dame n'est pas enceinte. Et puis, bien souvent, avec les hormones, hein, ça tient un peu moins bien. Donc, voilà. Mais maintenant, il y a des produits qui sont faits, qui sont hypoallergéniques. Il y a des produits qui sont faits sans, enfin, molécules qui pourraient créer des allergies et des choses sur les ongles, on rencontre maintenant plus de facilité, on va dire, à trouver un produit adéquat à chaque pathologie qu'on avait avant, quoi. Il faut vraiment avoir de graves problèmes d'allergie, on va dire, et d'intolérance à de nombreux produits qui fait qu'on ne pourrait pas poser sur l'ongle. Mais c'est vrai qu'à l'heure actuelle, voilà, on peut poser pratiquement sur tout le monde, quoi. Et du coup, vous mettez quoi comme produit sur les ongles ? Alors, ça va commencer avec tout ce qui est Nail Peps, du primer, les bases, hein. Il y a différentes bases qu'on met. Le gel de construction, donc les gels de construction, on a différents gels de construction. Ensuite, on va faire nos décos. Et puis, nous allons avoir aussi les gels de finition. Donc, on a différents gels de finition, hein, pailleté, pas pailleté, qui brille dans le noir, du mat. Voilà, il y a différentes choses. C'est tout un protocole à suivre depuis le début que vous venez avec le fait de repousser les cuticules, le fait de limer la plaque de l'ongle, etc. C'est vraiment tout un protocole à suivre. Et si vous loupez une étape de ce protocole, les ongles n'auront pas le bon maintien. Je trouve ça assez marrant qu'il existe des prothèses qu'on peut voir la nuit avec. Est-ce qu'on peut s'en servir, par exemple, quand on va aller aux toilettes la nuit ? Ah oui, oui, parce que moi, je teste avant, hein, je teste tout sur moi avant. Hein, et je vous assure que je suis obligée de mettre les mains sous l'oreiller, parce que c'est vraiment, ça se recharge vraiment bien à la lumière. D'ailleurs, sur mon site, il y a des vidéos où c'est que je mets tout dans le noir pour que mes clientes puissent voir ce que ça donne quand ça brille. Ça doit être bien marrant. Peut-être pas très agréable pour le conjoint, pour le coup. Ah ben après, hein, le conjoint, hein, il a déjà les papouilles, donc voilà, hein, il va encore pas se plaindre. Combien de temps est-ce que vous mettez en moyenne pour fabriquer des prothèses ? Alors, il faut compter entre une heure et une heure et demie, voire deux heures de temps. Tout dépend de ce que la cliente veut après. Le plus long, on va dire, c'est pas forcément la construction en lui-même de l'ongle. C'est surtout tout ce qui est décoration. Puisqu'il faut savoir qu'entre différentes couleurs, on est obligé systématiquement de catalyser la couleur. Sinon, elle se mélange entre elles. Et puis, votre trait, s'il n'est pas catalysé, il va baver sur les côtés. On va avoir au lieu d'un trait droit, on va avoir un zigzag, voilà, c'est ces étapes-là qui sont très longues. Donc, en fonction de ce que ma cliente me demande, je peux mettre une heure, si c'est un simple vernis semi-permanent, comme ça peut être deux heures, voire deux heures et demie. Ça m'est déjà arrivé de travailler sur deux heures et demie parce que la cliente voulait des paysages sur tous les doigts. Donc, voilà, ça prend extrêmement de temps entre les nuances, les différents gels. En fait, vous savez quand vous venez à la maison, mais vous ne savez pas quand vous repartez. Est-ce que vous avez un fournisseur pour les différents vernis que vous utilisez sur des prothèses ou pas ? Alors, j'ai un fournisseur sur Internet. Je travaille avec la marque Purple. Je travaille avec ce fournisseur-là parce que moi, en gros, j'aime beaucoup la texture du gel que j'utilise. Voilà. Mm-hmm. Après, en fonction de certaines autres structures, elles utilisent d'autres gels, etc. Il faut vraiment se dire que la prothésiste va prendre le gel qu'elle aime travailler, pas forcément avec le gel où elle a appris en formation. C'est pas forcément le gel avec lequel on a appris qu'on va travailler parce qu'on a trouvé un autre gel qui nous on trouve que le maintien est mieux ou qu'au niveau de la texture on aime mieux travailler avec. Mais voilà, après il n'y a pas de mauvais gel. Bon, c'est sûr qu'il ne faut pas acheter du gel non plus bas de gamme style qu'on trouve sur certains sites où on trouve des gels à 2-3 euros. Enfin voilà, on sait très bien qu'ils ne sont pas aux normes françaises. Il faut vraiment prendre des gels aux normes françaises, essayer de trouver des gels hypoallergéniques ou des gels qui résistent aux UV, enfin voilà, mais c'est vraiment propre à chaque prothésiste, on ne peut pas conseiller plus un gel qu'un autre, voilà, c'est vraiment propre à la personne avec qui elle travaille ou avec ce qu'elle aime travailler au niveau de la matière. Alors j'imagine que vous devez avoir un bon panel de couleurs pour le vernis. Il y en a 300. Ah oui, oui. Lesquels vous utilisez le plus pour le coup ? Alors, on est souvent... Enfin, les couleurs à toujours avoir en réassort, c'est une obligation, on va dire, le rouge, le noir et le blanc. C'est des couleurs, on va dire, qui reviennent systématiquement. Voilà. Elles aiment bien aussi tout ce qui est paillettes, hein, comme diraient certaines. Mais nous, des paillettes dans notre vie. Et voilà. Mais c'est vraiment... il faut avoir un peu de tout, quoi. On va dire un peu de rose, un peu de blanc. Après, quand on débute, c'est sûr qu'on ne va pas avoir 300 couleurs, mais on prend les couleurs de base. Donc, les premières couleurs auxquelles on pense, c'est forcément le noir, le blanc, les rouges, les roses, et puis les couleurs nude, parce que beaucoup de clientes aiment bien le naturel. Donc, si on travaille avec un gel qui est transparent, vous n'allez pas avoir cette couleur nude, donc il faudra aller la retrouver autrement. Donc, on va aller chercher un gel d'une couleur nude. Voilà, il faut avoir ces couleurs-là. C'est des couleurs de base qu'il faut absolument avoir à l'institut, quoi. Vous parliez que vous posez des motifs sur les prothèses, mais est-ce que vous les posez avant ou après ? Alors non, on fait tout dépend. Il y a certaines méthodes, style comme les décos en incrustation. Donc ça, il va falloir le mettre avant la construction au gel, parce que c'est quelque chose qu'on va mettre, c'est des grosses paillettes et on remet quelque chose par-dessus. Voilà, c'est pour donner des effets, bien souvent des effets 3D ou des choses comme ça, où j'ai certaines clientes qui n'aiment pas du tout le relief, mais qui aiment des décos. Donc on s'adapte en fonction de ce que la cliente aime. Et quand j'ai des clientes, voilà, qui n'aiment pas le relief et qui aiment bien, je ne sais pas, un bijou d'ongle, et bien je vais aller lui mettre en incrustation. Donc à ce moment-là, je vais déjà lui précoller et refaire ma construction de gel par-dessus. Donc après, c'est vraiment au cas par cas, quoi, et en fonction de la décoration, de ce que la cliente veut. Mais on peut très bien construire la déco avant de construire la construction de l'ongle en gel. Quel est l'âge moyen à peu près de votre clientèle ? Alors, l'âge moyen est de 18 ans, on va dire, jusqu'à ma plus belle, on va dire, dame que j'ai. Elle a 69 ans. Ah. Donc, voilà, on peut être belle même jusqu'à 80 ans si on veut se faire belle sur le bout des doigts, quoi. Comment on fait pour pas déborder quand on met du vernis, quand on veut s'en mettre soi-même ? Il faut pas loucher. C'est surtout ça. Non, il faut y aller vraiment par tapotement. On part du milieu de l'ongle pour remonter sur le haut des cuticules. Et puis, on prend un pinceau extrêmement fin, un pinceau liner, et on va venir tout doucement border, sans toucher les cuticules, mais vraiment border sur les côtés de l'ongle. Voilà, il faut être très minutieuse pour faire ceci. Est-ce que vous utilisez un appareil pour sécher les ongles ? Ah oui, on utilise une lampe UV. Alors, c'est une lampe soit UV ou soit une lampe UV LED ou une lampe LED, hein, en fonction du matériel qu'on a et des produits qu'on a, hein, parce que certains gels vont sécher aux UV, certains gels vont sécher aux lampes LED. Donc, dans l'idéal, vaut mieux avoir une lampe qui fait les deux. Au moins, on gagne du temps et puis on n'a pas de surprise. En fonction de différents produits. Et puis, ça permet aussi de ne pas avoir un stock de matériel, dire à la cliente, aujourd'hui, vous êtes en LED, alors il faut ressortir la lampe. Voilà, c'est surtout une question de pratique, quoi. On gagne beaucoup plus de temps parce qu'avant, il fallait se secouer les mains, je crois, pour faire sécher le vernis. Ah oui, plus le vite. Vernis, mais là, ce qui est l'avantage, on va dire, avec le vernis semi-permanent, c'est que vous mettez sous la lampe, ça catalyse et c'est tout sec. Même quand vous faites les pieds, vous pouvez remettre les chaussures tout de suite, il n'y a aucun problème. On n'est pas obligé d'attendre avec les morceaux de coton entre les doigts de pied et puis marcher sur le talon pour que ça sèche. Il faut souffrir pour être belle, je crois. Oui. Oh, après, je ne pense pas qu'elles souffrent, mes clientes. Il faudrait leur demander. Non, mais quand on fait ça nous-mêmes, je veux dire. Ah oui, oui. Parce que sur la pointe des pieds, c'est pas très pratique. Oui, oui. Est-ce que vous savez ce qu'il y a dans du vernis ? Alors, il y a différents composants. Il y a surtout les pigments qui vont donner les couleurs. Hein, et là, je ne peux pas vous donner exactement le descriptif de ce qu'il y a dans les composants, quoi. Il faut que j'ai la bouteille sur moi, je ne saurais pas vous dire par cœur ce qu'il y a dessus, quoi. Mais en général, voilà, c'est des produits qui sont adaptés avec du gel pour catalyser, et voilà. Vous disiez que vous faisiez des vernis nude, mais est-ce que c'est un peu pareil que la French manucure ou pas? Alors, c'est la French manucure, en gros, c'est un vernis que vous allez, ou un gel, parce que bien souvent, nos gels sont teintés maintenant. Ils ont une couleur naturelle, donc quand vous le mettez, ils sont déjà dans ces couleurs nude. En gros, ça va être la même couleur que la pigmentation de votre ongle, c'est ça que j'appelle nude. Et la French manucure, vous allez venir retracer un liseré blanc, donc d'une certaine largeur ou pas, hein, en fonction de ce que la cliente veut. On peut même en faire deux biais, on peut en faire la French, en gros, il y a un large palais, le French qu'on peut mettre. Mais voilà, c'est vraiment avec le bout blanc où il y a des French de couleur hein, aussi, hein, on peut faire ça en couleur. Mais en gros, le nude, c'est ce qui se rapproche de le plus près de votre ongle naturel à vous, la couleur de votre ongle naturel à vous. Donc on a différents modèles de couleurs. Alors il y a des personnes qui vont aimer plus dans les teintes rosées, d'autres plus dans les teintes un peu marron. On a différents panels au niveau des couleurs par rapport à ça. Est-ce que le dissolvant, ça peut abîmer les prothèses ou pas? Alors, le dissolvant, s'il contient de l'acétone, s'il ne contient pas de l'acétone, il n'y a aucun problème. Pour les personnes qui sont fumeuses, je conseille aussi des fois de mettre un simple vernis incolore au-dessus de la prothèse que moi je leur ai fait, pour qu'elles puissent garder sur 3 semaines leur ongle toujours avec un blanc éclatant, parce que le problème quand on fait les ongles et qu'on est fumeuse, bien entendu la nicotine va aller tacher les ongles. Et avec cette méthode là, le fait de remettre un simple vernis transparent que vous achetez dans le commerce sur l'ongle, vous allez éviter ce jaunissement. Et dès que l'ongle va être jauni, vous pouvez utiliser un dissolvant sans acétone que vous allez venir retirer ce gel là, le vernis que vous allez mettre, et vous remettez par-dessus une nouvelle couche, et comme ça vous gardez vos ongles bien blancs sur 3 semaines. Mais si ça ne contient pas d'acétone, il n'y a aucun problème, ça ne pose aucun problème. Est-ce qu'une cliente, elle peut changer elle-même son vernis, ou c'est mieux qu'elle revienne au salon? De toute manière, pour rechanger un vernis semi-permanent, il faut systématiquement revenir au salon. Je le conseille. Après, j'ai des clientes qui peuvent le faire elles-mêmes, mais je conseille de revenir au salon, parce que déjà, il ne faut pas aller attaquer la plaque de l'ongle, parce que si vous le faites vous-même, déjà, il va falloir faire par trempage, et vous n'allez pas avoir forcément les produits. Donc, si vous allez utiliser un gel avec acétone pour enlever, ça risque de créer des dommages sur l'ongle. Donc, il est préférable quand même de revenir voir sa prothésiste ongulaire. Ça prend une demi-heure pour enlever. Et puis, nous, au moins, on regarde en dessous si l'ongle ne rencontre pas de problème ou quoi que ce soit. C'est une mesure de sécurité, on va dire, pour la cliente, de revenir à l'institut. Est-ce qu'on peut mélanger plusieurs couleurs? Ah oui, tout à fait. Du moment qu'elles ont été catalysées, il n'y a aucun souci. Il n'y a pas de contradiction entre le mélange des couleurs. Si vous voulez un effet fumé, vous êtes bien obligé de mélanger entre 2 et 3 couleurs, parce que il faut faire cet effet fumé. Non, il n'y a aucun problème au niveau des mélanges de couleurs. Lesquelles sont les mieux associées? Alors, on va associer bien souvent des couleurs chaudes entre elles ou des couleurs froides entre elles. Après, je vais dire, il n'y a rien d'interdit, quoi. J'ai déjà fait des associations de couleurs qui, dans ma tête, n'auraient pas matché. Et puis, le résultat final est juste surprenant, quoi. Donc, il n'y a vraiment pas d'interdit au niveau des couleurs. Vous pouvez passer et avoir un doigt blanc comme un doigt fluo jaune à côté. Enfin, il ne va pas avoir vraiment de choses interdites. C'est vraiment votre goût à vous, ou même au niveau des dessins, c'est vraiment vos goûts à vous, quoi. Est-ce que vous faites aussi des prothèses pour les ongles de pied? Alors, les ongles de pied, je ne fais pas énormément de prothèses. On va réparer un ongle, on va dire, qui est un peu plus court que l'autre. Voilà. Après, moi, d'autres prothésistes le font. Moi, je ne suis pas une adepte de mettre trop de gel sur les ongles de pied. On a des petites surprises. Bien souvent, quand on met du gel sur l'ongle de pied réagit un peu bizarrement. Donc, on se retrouve des fois avec des petites surprises pas très agréables, ni pour nous ni pour la cliente, parce qu'on est obligé de faire une dépose et puis l'envoyer voir le médecin parce que l'ongle a eu un dégât ou n'a pas apprécié. Donc je ne suis pas pour le maintien, sauf si c'est un tout petit rallongement, mais en général,

Oui, je vis de jour en jour, squat en squat, un troubadour. Si je chante, c'est pour qu'on me regarde, ne serait-ce qu'un petit bonjour. Je vous vois passer quand je suis assis, vous êtes debout près, c'est j'apprécie. Un petit regard, un petit sourire, me prennent le temps, ne font que courir. Ben, si je m'endorme, merci bien pour la pièce, en ce moment c'est dur, je confesse. Moi je vais m'en sortir, je l'atteste. Toujours avoir un toit, une adresse. Ici de toi à moi, c'est dur, je stresse. Le moral n'est pas toujours bon, le temps presse. Mais bon, comment faire, à part l'ivresse comme futur. Que tes promesses en veux-tu. Voilà ma vie, je me suis pris des coups dans la tronche. Sois sûr que si je tombe par terre, tout le monde passe, mais personne ne bronche. Franchement, à part les gosses qui me regardent étrangement, tout le monde trouve ça normal que je fasse la manche. M'en veuillez pas, mais parfois, j'ai qu'une envie, abandonne. Si je m'endorme, réveillerez-vous. Il fait si froid dehors, le ressentez-vous. Il fut un temps où j'étais comme vous. Malgré toutes mes galères, je reste un homme de vous. Priez pour que je m'en sorte. Priez pour que mieux je me porte. Ne me jete pas la faute. Ne me ferme pas la porte. Si je m'endorme, réveillez-vous. Il fait si froid dehors, le ressentez-vous. Il fut un temps où j'étais comme vous. Malgré toutes mes galères, je reste un homme de vous. Si je m'endorme, réveillez-vous. Il fait si froid dehors, le ressentez-vous. Il fut un temps où j'étais. Nous sommes de retour sur les ondes de RGM avec Sandra. Merci aux auditeurs qui sont avec nous depuis le début de l'émission. Et merci à celles et ceux qui viennent de nous rejoindre via le 107 Radio Line ou via l'application mobile Les Radios Associatives. Alors Sandra, Aude est venue nous parler de Aude de Fil des Rêves. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre collaboration? Alors moi, ce qu'il y a avec Aude, déjà on a un petit parcours toutes les deux juste rigolo, quoi, on va dire. On a commencé pratiquement toutes les deux en même temps. Et puis elle m'a servi de modèle pendant pas mal de temps. Et puis à un moment, je me suis dit pourquoi pas s'entraider toutes les deux. Je me dis ça serait cool. Donc j'ai des murs à la maison, hein, comme tout le monde, je pense. Et puis j'ai dit écoute, je te prête mes murs. Je dis gratuitement pour que tu puisses exposer tes petites choses que tu crées, parce que je trouve ça, enfin, juste formidable ce qu'elle fait. Et notre collaboration est arrivée comme ça. En gros, elle vient changer la déco de mes murs de l'institut régulièrement. Et puis mes clientes peuvent voir déjà le beau travail qu'elle fait. Et en plus de ça, peuvent acheter directement sur place ou aller la contacter puis lui demander voilà, j'aimerais bien que tu me fasses une composition mais d'une autre couleur. Donc du coup tout est visible à l'institut. Donc pendant que vous êtes en train de vous faire chouchouter, vous regardez aussi les belles décos que Aude m'a laissées à l'institut. Elle fait vraiment des choses incroyables avec du macramé. Elle est venue ici avec un miroir avec le macramé. C'était vraiment super. Oui, je l'ai justement à la maison. Et il est juste... C'est juste sublime, quoi. Et ce qui est rigolo avec Aude, c'est que au niveau de ses ongles, c'est pareil. Je lui fais des ongles pour lui faciliter la vie au niveau de son tressage. Donc, c'est rigolo, on va dire. On fait un partenariat entre la création d'une et la création de l'autre. Est-ce que vous avez d'autres partenaires ? Alors oui, j'ai d'autres partenaires. J'ai déjà, dans un premier temps, ma fille, So Beauty 68, qui est en Alsace. Donc elle vient une fois par mois quand il y a plusieurs clientes qui désirent avoir des extensions de cils, parce que moi, je n'ai pas du tout la même patience qu'elle. Elle a une patience d'ange. je ne me vois pas du tout faire ça. Donc elle fait les extensions de cils et elle fait le micro blending, si je dis bien, pardon ma fille si j'ai mal dit, elle fait le tatouement des sourcils, c'est plus simple pour moi de dire ça, et voilà, il y a la possibilité pour mes clientes une fois par mois, parce qu'elle vient me voir une fois par mois, de pouvoir prendre rendez-vous dans mon institut et puis que ma fille puisse lui faire ça. Bon, c'est sûr qu'elle vient pas pour une seule cliente, donc on essaye de cumuler sur la journée plusieurs clientes pour que déjà le fait qu'elle vienne de l'Alsace, les frais d'aisance, etc. Elle ne les facture pas à ses clientes, mais que ça soit rentable pour elle au niveau de ça. Donc, j'ai donc ma fille. J'ai travaillé avec Mélissa aussi de l'Atelier des Fleurs parce que je fais une offre pour la fête des mamans. Donc, j'offre une rose à chaque maman qui vient prendre un rendez-vous à l'Institut. Donc, j'ai travaillé avec Mélissa pour qu'elle elle a offert des magnifiques roses, mais c'était juste sublime. J'ai eu aussi un partenariat avec l'ancien manoir de Ventron, une petite dame, un petit bout de femme qui est en train de faire des chambres d'hôtes, etc. Juste super. Donc, si vous alliez à une de ces animations, il y avait une réduction quand vous veniez à la maison. Et il y a deux autres partenariats qui vont être faits là dans les mois qui vont venir. Alors, dans un premier temps, un avec Sandra de Air Passion, c'est une petite coiffeuse. Donc, vous allez avoir la possibilité dans les mois à venir, de pouvoir venir vous faire coiffer et vous faire venir faire les ongles en même temps. Donc, ça va être soit sur un week-end cocooning. On va essayer de mettre en place ça avec elle, pour qu'on puisse faire chouchouter. Et puis, on va parler avec le ventre aussi, parce qu'on n'oublie pas le ventre. Il y a les légendes gourmandes avec Stéphanie qui va venir. C'est des sucres aromatisés ou des préparations toutes faites que vous pouvez faire avec style cupcake, des choses comme ça. Elle va venir, elle va préparer des petites amuse-bouches à la maison et on va mettre à l'Institut une table où c'est que les clientes pourront déguster toutes ces bonnes petites choses et puis lui passer commande si elles ont envie de tester. Donc voilà les partenariats que j'ai. Il y en aura encore plein d'autres parce que je fais une offre par mois avec d'autres partenaires, avec d'autres choses. Voilà, vous saurez que quand vous venez à l'Institut, chaque mois, il y a quelque chose. Soit il y a une réduction, soit il y a une offre avec un partenaire, soit il y a un petit cadeau. J'aime bien faire des petits cadeaux. Comment est-ce que vous êtes fait connaître ? Alors, ça s'est fait... Je vais dire un grand merci, mais je ne peux pas dire autrement parce que sans toutes mes clientes, sans toutes mes amies, sans pas mal de membres de ma famille, j'en serais pas arrivée là. J'avais une page Facebook qui a été partagée des millions de fois. J'ai une page Google, j'ai la page Instagram, j'ai le compte TikTok. Et c'est vrai que ça soit mes amis, que ça soit mes clientes, elles ont fait un travail mais énorme de bouche à oreille. J'en ai même qui ont fait des vidéos fofolles un peu avec moi sur TikTok pour rigoler. Enfin voilà, c'est vrai. Vraiment un grand partage de toutes ces personnes-là et je tiens vraiment à leur remercier parce que sans le bouche à oreille et sans leur gentillesse, je pense que j'en serais pas là aujourd'hui. Il y a encore du travail à faire, certes. On va dire Paris, c'est pas construit en un jour. C'est vraiment un grand merci à elles et de leur soutien et puis de leur confiance surtout parce que j'en ai certaines qui m'ont servi de modèle avant d'être devenues mes clientes. Et elles ont toujours été là, même quand il y a eu des couacs, parce qu'il ne faut pas se mentir, il y en a forcément. Mais elles ont toujours été là, elles ont toujours gardé la confiance en moi et ça, ça vaut de l'or. Ça permet de se surpasser aussi. Ah oui, c'est sûr. Quel est le meilleur moyen, selon vous, de se faire connaître ? Les réseaux sociaux et puis Le bouche à oreille, voilà. Un des meilleurs moyens à se faire connaître, c'est le bouche à oreille. Puis comme là aujourd'hui, enfin, de parler de son métier, quoi. Il faut pas avoir peur. Et puis essayer de contacter les associations, se faire sa propre publicité, hein, faire mettre des flyers, aller les mettre dans les boîtes aux lettres. Il ne faut pas non plus hésiter à passer les portes tout ce qui est boulangerie, tout, les petites choses comme ça, aller demander si on peut poser des flyers. Ça ne coûte rien. Bien souvent les gens vous disent oui, hein, c'est rare que j'ai eu des refus. Voilà, c'est un travail aussi de commercial, hein, à faire. En amont, quoi. Mais voilà, on va dire la majorité des choses se font très vite dès qu'il y a des clientes qui sont contentes. Et puis les ongles maintenant, ça devient quelque chose qui est réputé, on va dire. Et quand vous allez à la caisse, c'est souvent t'as des beaux ongles, bah tu vas où? Donc voilà, et c'est les petites choses qui font que on a le bouche à oreille, quoi. Donc, il faut avoir du culot, parce que le culot, ça permet d'ouvrir des portes. Oui, oui, oui. Et il faut pas être timide. Hein. Moi, je dis toujours, le ridicule ne tue pas, hein, puisqu'il ne tue pas en meilleur. Mm-hmm. Donc, voilà, il faut pas hésiter. On a un nom, tant pis, on passe au suivant. Et puis, il faut pas hésiter non plus à demander de l'aide ou à faire du partenariat. Le partenariat aussi, c'est quelque chose de très bien. Hein. On peut faire... Enfin, moi, je fais du partenariat bénévole. En aucun cas... je vais aller demander une rétribution s'il y a qui que ce soit qui vend quoi que ce soit chez moi. J'en ai rien à faire. C'est juste, je te prête mes murs, mais toi, tu parles de moi en contrepartie. Voilà, ouais. C'est des échanges comme ça qui font que vous pouvez évoluer rapidement, quoi. Est-ce que vous avez des futurs projets avec Samba Nails, Sandra ? Alors oui, il y a plein de projets avec le Samba Nails. J'aimerais bien créer comme une sorte d'étagère associatif. En gros, je vous explique ce que j'aimerais bien mettre en place. On a tous chez nous un objet qu'on va pas forcément utiliser ou qu'on a envie de mettre à la décharge et qu'on va dire en gros qui est encore utilisable. Et j'aimerais bien mettre une étagère dans l'institut, et chaque semaine quelqu'un viendrait poser l'objet dont il ne veut plus, et sur le temps qu'ils reviennent pour refaire leurs ongles, quoi, les personnes qui elles-mêmes reviennent faire d'autres personnes qui viennent faire leurs ongles à l'institut, en gros, pourraient prendre l'objet gratuitement si elles en ont besoin et remettre un autre objet à la place, faire un système de roulement, un objet pris, un objet remis. Et puis au lieu que ça parte à la déchetterie, ça peut toujours servir. On a des choses, on se dit, tiens, j'ai besoin de ça là, et puis quitte à aller acheter, autant que ça soit pris et recyclé, quoi. Enfin, comme je dis, voilà. Puis la vie est tellement chère maintenant que je me dis, pourquoi pas, ça serait peut-être une bonne idée de mettre en place ça. Donc c'est dans les projets. Il y a une citation que j'aime beaucoup qui dit: rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Et c'est tout à fait ça. Est-ce que vous envisagez peut-être d'ouvrir un salon? Alors, dans l'immédiat, non, je pense pas. J'aurais peut-être, une dizaine d'années en moins, peut-être que... Mais ça trotte quand même dans ma petite tête, et surtout en partenariat avec Air Passion, qui aimerait bien, elle, ouvrir son salon. Et elle m'embête un peu tous les jours. s'il te plaît, tu voudrais pas venir avec moi? Et c'est vrai que c'est quelque chose qui me trotte, mais j'ai une majorité de clients sur Éloi, comme je suis sur la ville d'Éloi, j'ai une majorité de clientes qui ne sont pas véhiculées. Et je me dis, trouver un institut qui puisse correspondre entre mes clientes et les clientes de Sandra de Air Passion, je dis, voilà, il faut trouver vraiment un compromis. Mais c'est des petites choses qui réfléchissent dans ma tête. Puis je dis, après tout, pourquoi pas, en voyant l'évolution que va prendre au fil des années la société. Et je me dis, ça peut être envisageable. On parlait de tutos sur internet, est-ce que vous envisagez d'en faire, vous? Alors pour le moment, non, parce que je vais être franche, totalement ouverte, je me sens pas la capacité de pouvoir à l'heure actuelle me permettre de donner des conseils à d'autres. Je vais donner des conseils peut-être sur des dessins, des choses comme ça, mais j'ai dans la tête de faire d'autres formations, de me former sur plein d'autres autre chose. Peut-être qu'à ce moment-là, une fois que j'aurai vraiment des formations au top et de l'expérience à gogo, peut-être que oui, je pourrais me lancer dans ces choses-là. Mais comme je me dis, formatrice n'est pas qui veut, donc je ne vais pas m'amuser à faire quelque chose pour le moment dont je n'ai pas les capacités énormes pour faire, quoi. Je veux pas induire en erreur qui que ce soit. Donc non, pour le moment, c'est pas envisageable. Peut-être par la suite, oui, pourquoi pas. Mais il faut que j'ai mes formations qui soient au top. Je vais pas faire ça sans avoir le top du top, quoi. Ça demande pas mal de temps, chose que vous avez pas forcément. Oui, là, c'est bon. Après, il y a le soir. Hein, je vous avoue que sur certains projets de certaines clientes, je vais travailler, on va dire, jusqu'à 23 heures sur les projets. Quand je dis l'institut est fermé à 18 heures, il n'est pas fermé à 18 heures, hein, parce que je suis assez malléable au niveau des horaires. J'ai des clientes qui ont des horaires de travail qui sont de 8 heures à 18 heures. Bah, cette dame-là, je ne vais pas aller lui dire, bah, non, je ne vous prends pas. Donc, je dis, bah, venez à 18 heures. Donc, 10 fois, ça me fait fermer l'institut à 20h, le temps de faire la comptabilité, le temps de faire tout ça, plus revoir certains projets qui m'ont été demandés avant au niveau du Lennart, des fois jusqu'à 11h je travaille, quoi. Donc voilà, le dimanche c'est pareil, c'est censé être un jour de repos, non, on ne se repose pas, on va faire des créations, on va montrer des modèles, voilà. Mais c'est parce que j'aime faire ça, hein, pas parce que j'ai pas envie ou quoi que ce soit, mais c'est vraiment, il faut vraiment faire ce métier-là avec passion et se dire, il ne faut pas compter ses heures, quoi. Est-ce que vous envisagez de prendre des employés ? Non, pour le moment, non. Puis, je suis vraiment une petite structure et j'ai pas envie de devoir... j'aime pas donner des ordres, mon Dieu. Alors, je me verrais mal dire tu fais comme ci, tu fais comme ça. Enfin, voilà, c'est pas dans mon tempérament. Donc, non, pour le moment, non. À moins que, je ne sais par quel miracle, la société évolue énormément et puis que en partenariat avec Air Passion, on se dise, allez hop, on prend deux petites ouvrières en plus, qu'on a trop de monde, ou voilà. Après, rien n'est impossible, hein, comme je dis. Hein. C'est tout ce qu'on vous souhaite. J'espère. Est-ce qu'on peut vous retrouver sur Internet et les réseaux sociaux ? Alors oui, vous pouvez me retrouver sous le nom Samba Nels, alors que ça soit sur Facebook, sur la page Google, sur Instagram ou sur TikTok. Vous pouvez me retrouver sous le nom du Samba Nels. C'est tout simple, hein, c'est le même nom que la société et vous me retrouvez facilement. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite, Sandra ? Alors, comme diraient mes clientes, gardez mon petit grain de folie encore longtemps et puis que ça continue cette belle aventure et puis que mon carnet soit rempli du lundi après-midi au samedi, au samedi soir, que ça soit rempli, et que je puisse faire mes ongles, que ça soit aux hommes ou aux femmes, encore très très longtemps. Alors, cette émission est maintenant terminée. Sandra, merci d'avoir été avec nous. Merci de m'avoir reçu, ça m'a fait plaisir. Je suis ravie que vous ayez accepté mon invitation et je suis ravie de mettre ma ville en avant. Je vous remercie. J'espère que via cette émission, nous réussirons à vous donner aussi davantage de visibilité. J'espère, j'en doute pas. Hein. Quant à nous, auditeurs et auditrices de RGM, on se retrouvera très prochainement pour une nouvelle d'Autour de vous. En attendant, je vous souhaite une excellente journée. C'était Laura. Bye tout le monde.